Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a donné sa réponse le 30 mai aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à la sanction injuste de l'Union européenne contre la Corée. Il a dit comme suit. Ces derniers temps, l'Union européenne a annoncé successivement les sanctions supplémentaires contre la Corée. Augmentation des objets de sanctions, arrêt de l'assistance gouvernementale au commerce avec notre pays et de l'investissement en certains secteurs, interdiction de l'atterrissage, du décollage et du transit de nos avions et de l'entrée de nos navires en Europe. À ce propos, elle prétend absurdement que notre exercice juste de la souveraineté et nos mesures autodéfensives menacent sérieusement la paix internationale et la sécurité régionale. Les droits internationaux, la charte de l'ONU en premier lieu, ne mentionne point que l'essai nucléaire et le lancement de satellites constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Si le renforcement de la dissuasion nucléaire et le développement cosmique à des fins pacifiques de notre part constituent une menace, comment peut-on expliquer le maintien et le renforcement des armes nucléaires et le lancement continu des satellites des pays européens? Au contraire, les droits internationaux stipulent que les sanctions de type de blocus contre un État souverain en temps de paix sont considérés comme actes d'agression et illégaux. Les sanctions de l'Union européenne sont la reproduction des sanctions séparées que les États-Unis ont fabriquées en violation de la Charte de l'ONU face à l'échec de leur tentative de faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU le blocus général contre notre pays. Les faits montrent que l'Union européenne prend ouvertement le parti des hostilités américaines à l'égard de notre pays. Elle est appelée à tirer une leçon de sa crise inouïe des réfugiés, résultat du suivisme de la politique des États-Unis qui ont renversé des États souverains du Moyen-Orient et à agir avec raison. Si l'Union européenne ne peut pas s'efforcer pour la justice et l'équité internationale, il vaut mieux qu'elle s'intéresse à régler ses problèmes intérieurs compliqués. Elle se trompe si elle pense que la sanction ne peut nous changer et la sanction ne fera multiplier que notre capacité de nous renforcer nous-mêmes.